ou encore passez à la station 405 3e Avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, plein de bonnes choses, plein de nouveautés. Et on va commencer avec nul autre que le nouvel album de Samurai of Prog. L'album a pour titre The Lady and the Lion and Other Grim Tales 1. Donc, il y aura une suite. Connaissant le groupe, on le sait, il y aura une suite. Plusieurs invités, comme d'habitude. On retrouve notamment Alessandro Di Benedetti, le claviériste de Matt Crayon, Valérie Gracious, chanteuse de Fido, et puis bien d'autres, Yemi Rosas et Tan Scherpenzel de Kayak. Bref, vous devinez que c'est encore une autre excellente production des Samurai of Prog. Ce sera suivi de Yorsho, apparemment que c'est la bonne prononciation en norvégien, de l'album, leur tout nouvel album Pastoralia. On aura aussi, on reste en Norvège avec Ola Teigen, un claviériste qui nous donne un avant-goût de son premier album qui devrait paraître le 2 juin. Et puis, on va conclure ce bloc avec Cody Carpenter, un claviériste américain, fils du renommé réalisateur John Carpenter, et c'est son 5e album studio, Memories and Dreams, ça c'est le titre de l'album, et puis il est aussi bon que les autres, et sans plus tarder, écoutez, on y va avec The Samurai of Prog, un extrait de The Lady and the Lion. Suddenly clear. Yes, I've heard about the promise she requires. Whenever one of us expires, the other shall lie right at their side, joining them forever in the grave. For if your one true love should pass away, what is left? What is life? I say yes, she will be my wife. Let the flowers bloom. But unexpected sickness strikes, and so I am entombed. The same after coming back to life, something changed. A wanderlust for other loves and only us, not enough. Passion out on the open sea, her look of love returning, but not for me. I'm overboard and overwhelmed by all the tales we tell ourselves. Cast away. Som är ett förvånande som till ingenting får det. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. Cette année, le Radio Temps de CKRL sera du 28 au 30 mai prochain. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre avant le jeudi 20 mai à 16h et courez la chance de gagner le prix spécial « Membre de CKRL » de 150$ offert par la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88-640-2575, poste 201, ou encore passez à la station 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Je m'en voudrais de ne pas vous présenter un second extrait du tout nouvel album de Samurai of Prague, The Lady and the Lion, donc c'est ce que je vais faire. Le disque est sur le point d'être lancé et c'est le 11e album studio des gars. Il va y avoir aussi Huxley Wood Approve, un projet germano ou canado-germanique ou germano-canadien de l'album Grave New World Part 1. Je sais que je vous ai présenté leur plus récent Grave New World Part 2 dans les dernières semaines. Eh bien, certains m'ont demandé si c'était possible d'écouter quelque chose du premier, donc un extrait de Grave New World Part 1. Et on va avoir aussi d'Italie Unale de l'album Galatea. C'est le projet de Karim Federico Sana qui en est à son troisième album. Le premier, A Sua Imagine, est paru en 2013. Et le second, Tadium Vitae, paru en 2016. Et puis, on va conclure cette demi-heure avec Cardi Carpenter, une autre nouveauté. On va écouter un second extrait de son album Memories and Dreams. Et on y va sans plus tarder avec Samurai of Prague, The Lady and the Lion. There's a blue cloud that starts to make come true your commands. There's a blue cloud that starts to make come true your commands. There's a blue cloud that starts to make come true your commands. Lodging and a little to eat and drink, or I shall starve. Who gives anything to a runaway soldier? But I'll take you in if you do what I wish. What do you wish? What I wish. What do you wish? Do what What I wish. What do you wish? What I wish. You shall only do me a trifling piece of work. Cursed light burns and never goes out. Bring to me that blue. Thank you.

Joe with the Kung Fu grip. And it slips a Tommy, some plastic paper, might be zips. Once a step out of darkness to out of the darkness to be the force in a push. To the fiesta and meet me at Delta. And you dwell around like you can, looking for someone to understand, looking for someone. To be. tuo immenso arcano, prima di Venere nato, che sotto forma di quest'arca di canovella, sincero indifeso, per sempre ti lascio. Non c'è volta in cui tu non mi sorrida, quando so te chi ti ammiro salvifica, il tuo sguardo di l'aria sana.

to miss me. Oh, don't be afraid to miss me. Well in line.

pretending my whole life to be stronger on my own. So help me to swim against the grain, breaking down these walls to lose control. CKRL, communication, culture. Au Québec, la vaccination contre la COVID-19 est en cours, mais l'ensemble de la population n'est pas encore protégée. Même si vous êtes vacciné, vous devez continuer d'appliquer les mesures sanitaires. Portez un masque, maintenez la distanciation physique et lavez-vous les mains régulièrement. En cas de symptômes, passez un test de dépistage et respectez les consignes d'isolement. Apprenez-en davantage sur les mesures au québec.ca/coronavirus. Respectons les règles, tout le temps. Sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Manger, ça fait du bien. On avait presque 30 ans. On a laissé délire domicile sur Saint-Vallier-Ouest. Petit comptoir de charcuterie. On a ouvert un bouchon d'inspiration lyonnaise de pied bleu. Par la suite, le renard et la chouette. Une buvette de quartier. Puis maintenant, dans les meilleurs marchés de la ville de Québec, au nom du roi du boudin. Aujourd'hui, nous tenons à remercier anciens et présents employés. Nous levons notre boudin à vous, chers clients. Merci beaucoup. Hé, hey Marine, le pied bleu, il a quel âge? Ben, c'est facile. Il a mon âge. Il a 10 ans. Pour notre dernière demi-heure, ben, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, comme on dit souvent. On va remonter en 1999 avec le premier album solo de Colin Bass, qui est membre de Camour. L'album a pour titre An Outcast of the Islands et on retrouve Andy Latimer comme invité et il a contribué à la plupart des pièces de ce premier album solo de Colin Bass. Ce sera suivi de Rufus, une formation norvégienne. C'est pas une nouveauté, mais c'est nouveau en même temps. C'est une réédition de son sixième et dernier album paru en 1979. Les six albums ont été remasterisés par nul autre que Jacob Holm Lupo, le membre fondateur de White Willow et de Opium Cartel. Et on aura aussi Red Jasper, un groupe que plusieurs ont connu, qui est plutôt discret, disons, depuis plusieurs années. L'album a pour titre 777 et on y va avec Colin Bass. We'll be right back. On est déjà rendu à la dernière pièce. Et ce soir, je vais vous laisser avec une formation américaine, originaire du Texas pour être encore plus précis, qui a pour nom Underground Railroad. Deux albums, un paru en 2000, True and True, et celui dont on va entendre un extrait, The Origin of Consciousness, paru lui en 2005. Eh bien, Je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute dans quelques instants. Et puis, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. C'était Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Restez à l'écoute de CKRL et on vous revient la semaine prochaine. Thank you.